Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Le Canard enchaîné, un journal unique en son genre. Le fond, il restait le même. Il se caractérise par quoi ? D'abord par un ton bon enfant, ensuite par des sous-entendus qui cachent un air entendu, par une fausse naïveté qui, en réalité, est une manière de faire savoir qu'on ne s'en laisse pas compter, et puis par un usage de l'antiphrase, du mot à l'envers, qui était rendu obligatoire par les ravages de la censure, c'est-à-dire d'Anastasie, comme on l'appelait à l'époque. Il y a le ton, bien sûr, ce ton que décrit Roger Fressoz, journaliste et directeur du Canard enchaîné de 1970 à 1992, dans cette entrevue diffusée à France Culture en 1971. Depuis les tout débuts, Le Canard enchaîné est un journal satirique, mais au-delà du ton et de cette insolence du ton, il y a aussi le fait que Le Canard enchaîné est financièrement indépendant depuis sa création et qu'en principe, il ne doit donc rien à personne. Ajoutez à cette recette déjà gagnante le virage vers le journalisme d'enquête que va prendre le journal dans les années 60, et vous avez largement de quoi piquer la curiosité des lecteurs, d'une part, et de quoi faire trembler les officines du pouvoir, d'autre part. C'est-à-dire que nous sommes, par principe, irrespectueux avec les gens qui gouvernent, et naturellement, nous consacrons une grande partie de nos informations à ceux qui détiennent le pouvoir, mais nous ne respectons pas plus les gens de l'opposition qui peuvent être critiquables, même si le journal, disons, penche à gauche, a une sensibilité de gauche nettement affirmée. Puis il y a le fait, si vous voulez, que nous essayons de présenter par les informations une espèce de radiographie des mœurs de la société et des mœurs politiques. Et parce que nous essayons de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils sachent et ce que l'on souhaite leur cacher. Et ensuite, libre à eux de réagir en citoyen, en allant voter, en syndicaliste, en politique, comme ils le souhaitent. Ça, c'est leur affaire. Un journal décrit une réalité, publie des informations, certaines ont une influence et une importance, mais ce n'est pas Le Canard enchaîné qui fait les élections, quand même. On n'a pas la tête aussi grosse que ça. Claude Angély, rédacteur en chef adjoint au Canard enchaîné au moment de cette entrevue à l'émission La vie quotidienne en mars 1981. Il va devenir plus tard et pendant des années rédacteur en chef en titre du journal. Pour nous raconter la petite histoire de ce grand journal, je reçois l'historien Éric Dussault. Éric Dussault, bonjour. Bonjour Jacques. Avant de s'attaquer à l'histoire du Canard enchaîné comme tel, Éric, décrivez-nous un peu la bête à laquelle on a affaire. Quand on parle du Canard enchaîné, de quoi on parle? Comment décrire ce journal-là? Dans le contexte de la crise des médias qu'on connaît actuellement, c'est phénoménal. C'est un journal qui a plus de 100 ans, premier numéro en 1915, deuxième en 1916. Donc, on est devant une bête qui a réussi à survivre à tout. En fait, c'est Teflon pour moi, Le Canard enchaîné. Il est inattaquable, on ne peut pas le faire disparaître. En raison de sa puissance, de sa renommée, des affaires multiples qui sont à l'origine de son histoire et de sa survie. En fait, ça démontre que lorsqu'on fait du bon journalisme, du journalisme de qualité, avec un ton particulier, eh bien, les lecteurs sont là, ils apprécient ça, ça se distingue de ce qui se fait dans la grande presse française. Et ça explique en grande partie la survie de ce média. Déjà, dès le départ, en fait, quand on retourne à la création du journal, il y a déjà là quelque chose d'assez unique, d'assez singulier. Racontez-nous comment naît le journal. Donc, je le disais, 1915, c'est une date importante. On est durant la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, Maurice Maréchal, qui est un jeune journaliste, se rend compte que tout ce qu'il lit fait l'objet de censure, évidemment, que toutes les nouvelles sont positives. Il y a un problème important. On parlerait de fake news, en fait, aujourd'hui. Ce sont des nouvelles qui sont fausses, mais qui sont surtout patriotiques, ultra-patriotiques. Il y a du chauvinisme considéré comme étant outrancier de la part de Maurice Maréchal qui se fait. Et lui, il décide de créer un journal qui s'oppose à ça, ouais, qui est anticonformiste, qui est critique. Donc, c'est parce qu'il est ulcéré, parce qu'il est outré par ce qu'il lit, qu'il appelle du bourrage de crâne, qu'il décide de fonder ce journal-là. Et le 10 septembre 1915, dans un éditorial, il dit « Puisque tout le monde dans les médias actuellement disent la vérité, eh bien, nous, on va raconter des mensonges. Ouais. » Évidemment, c'est déjà un trait de satire extraordinaire parce que cette presse-là, la presse de guerre, elle est en guerre et c'est de la presse de propagande qu'on voit jour après jour après jour dans les journaux français de l'époque. Un petit mot sur le nom, c'est pas innocent, le nom du journal, Le Canard enchaîné, pourquoi? Un canard, en fait, c'est le nom qu'on donne en France populaire pour un journal et c'est aussi, dans le langage argotique, un bobard, un mensonge. Donc, encore là, c'est très intéressant. Plus un canard au niveau graphique, je pense que c'est intéressant aussi. Là. Ça peut être... Oui. Il y a quelque chose de chouette, de rigolo là-dedans, d'un peu enfantin. Et enchaîné, ça fait référence à la censure et surtout à L'Homme enchaîné, le journal de Georges Clémenceau, qui est devenu un homme politique, mais qui au départ était journaliste et rédacteur en chef de L'Homme enchaîné, et qui, ce journal-là, a été suspendu dans le cadre de la guerre. Donc, c'est une référence à l'histoire récente de la presse française. Et dès le départ, on est allé directement dans le canular aussi, avec une histoire qui concerne l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale. Donc, le ton était donné dès le départ. Et ce qui est particulier, et ça, j'insiste là-dessus, c'est que dès le départ, les premiers lecteurs, qui sont beaucoup des poilus, donc ces soldats de la Première Guerre, vont apprécier ce journal-là, son ton, sa distinction par rapport à ce qui se fait dans la grande presse, et vont être, après-guerre, des lecteurs, vont développer un sentiment d'appartenance comme les lecteurs en général du Canard enchaîné avec ce journal-là. Oui. Donc, il y a vraiment une idée commune sur le monde qui se fait entre le lectorat et le journal. Il évoluera comment, ce lectorat du journal au fil du temps, justement? Au départ, il est parisien, il est très poilu, comme je le disais, donc beaucoup les militaires. Après ça, je vous fais une histoire très rapide. Je ne rentrerai pas en détail dans les chiffres, mais très rapidement, on arrive avec des 60 000, 80 000 lecteurs, 85 000, et on augmente considérablement. On parle déjà d'un lectorat masculin, en grande majorité, urbain. Il faut faire attention, en France, contrairement à ici, urbain, ça veut aussi dire les grandes capitales des régions françaises. Ouais. Lyon, Strasbourg, tout ça. Donc, on est lu dans les zones urbaines. Ça ne marche pas très bien lorsqu'il y a des ouvriers à certains endroits qui sont concentrés là, parce qu'il faut avoir un certain niveau d'éducation pour comprendre le canard. Il y a un langage codé, il y a des jeux de mots, et ça fait référence beaucoup à la connaissance générale, à la culture, qui sont importants, vous le savez, en France. Donc, il faut être éduqué. Alors, chez les communistes, et particulièrement les ouvriers qui ont peu d'instruction, ça ne marche pas très bien. Donc, ça veut dire qu'il faut être enseignant, fonctionnaire, cadre moyen, supérieur, étudiant, jeune... mais quand même, en grande majorité, âgé entre 35 et 49 ans, c'est le gros du lectorat masculin. Et ce qui est étonnant, c'est que la plupart des numéros qui sont lus par plusieurs personnes, mais surtout, c'est qu'ils ne sont pas achetés de façon systématique, ces journaux-là. La plupart des gens le lisent de façon épisodique, mais dans un pays où il y a 60 millions d'habitants, ça permet quand même d'être rentable. Ouais. Donc, le gros du lectorat est fan, mais il y en a quand même plusieurs qui vont l'acheter au hasard, selon les circonstances. Et les périodes électorales sont, sur le plan du lectorat, très payantes pour Le Canard enchaîné, ça tout au cours de son histoire, parce que c'est un journal, dès le départ, qui est politique, qui s'intéresse en tout cas de très, très près à la politique, si bien que aujourd'hui encore, Éric Dussault, le jour de sa parution, Le Canard est attendu, craint, diraient certains, par les cercles du pouvoir. Je propose à ce propos d'écouter Jean Musitelli, qui a été le porte-parole officiel du président Mitterrand de 1991 à 1995, suivi tout de suite après du député Dominique Payet, extrait de l'émission « C'est la faute aux médias » du 12 décembre 1995. Tout le monde se précipite dessus. Si vous voulez, moi j'avais le privilège en tant que porte-parole de le recevoir le mardi soir. Je peux vous dire que dès qu'il arrivait, vers 20h, je me précipitais dessus pour lire la seconde page. Et le Conseil des ministres ayant lieu le mercredi matin, je peux vous garantir que tous les ministres arrivaient en ayant lu Le Canard enchaîné et que ça faisait souvent l'objet des discussions qui précédaient l'ouverture officielle du Conseil. Vous n'imaginez pas, dans les cabinets ministériels notamment, on se bat pour avoir le contenu du Canard le mardi après la commission ou le comité de rédaction, bien avant sa parution du mercredi. Et le mercredi à l'Assemblée nationale, vous n'avez que très peu de députés qui ne se jettent pas sur Le Canard, à la fois pour se délecter, parce que le milieu politique est un milieu où on rit beaucoup des déboires de ses propres amis, a fortiori bien sûr de ceux de ses ennemis, mais également pour calmer leurs inquiétudes. Quand on n'a pas eu le mardi soir le contenu du Canard, on se dit oh là là, pourvu que rien ne nous ait échappé, et on se précipite le mercredi matin pour vérifier qu'il en est bien ainsi. Quel extrait sonore formidable et qui nous en dit beaucoup déjà sur le poids politique qu'a Le Canard enchaîné. Éric Dussault, comment mesurer la force de frappe que peut avoir Le Canard enchaîné politiquement? C'est très, très, très puissant. c'est toujours, depuis sa création, mais particulièrement depuis le virage des années 60, un journal qui fait la nouvelle et qui est toujours mieux informé que les autres. Par conséquent, si on veut apprendre quelque chose le mercredi, parce que c'est le jour, c'est un hebdomadaire qui est publié le mercredi depuis plus de 100 ans. Si on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de la vie politique, c'est ce journal-là qui va nous l'apprendre, jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, évidemment, c'est ce milieu-là qui tremble. Ouais. D'ailleurs, vous me parliez du lectorat tout à l'heure. Ça, c'est le lectorat officiel que je vous ai décrit. Mais il y a des gens, mauvaise langue peut-être, qui disent que Le Canard est d'abord écrit pour les politiques. Oui. Parce que ce sont eux qui sont les premiers concernés et qui tremblent, justement. Oui. On peut imaginer qu'il y a certains politiciens qui dorment très mal le mardi soir. Parce que ce virage vers un journaliste d'enquête depuis les années 60, et on y reviendra, mais des histoires qui ont été percutantes en France, et aussi parce que, je pense qu'on ne l'a pas encore signalé, je l'ai dit au tout début de l'émission, mais c'est important, ce journal-là, depuis sa création, est financièrement indépendant. Ça veut dire que techniquement, Éric Dussault, il ne doit rien à personne. Tout à fait. Alors voilà une leçon pour les hommes de presse et femmes de presse d'aujourd'hui. Un ton qui se distingue, des enquêtes incroyables qui attirent le lectorat. Lorsqu'on fait des sous, on prend ces sous-là et on les place. Et en période de crise, dès que le lectorat baisse un peu ou que financièrement parlant, c'est plus difficile, on va piger dans nos réserves et comme ça, le journal survit sur une longue durée. C'est le même modèle depuis plus de 100 ans. Un mélange de scoop, un ton cinglant, mordant, et une indépendance basée sur deux choses, la vente des numéros à l'unité et les abonnements, et deuxièmement, ces placements qui, petit à petit, forment des millions d'euros qui peuvent être utilisés lorsqu'on en a besoin. Les cibles du Canard au fil du temps, bien sûr, on l'a entendu, les politiques depuis le tout début, mais ceux au pouvoir comme ceux qui sont à l'opposition. Mais plus que ça, j'imagine, les principales cibles du Canard. En dehors des hommes politiques, c'est tout ce qui porte un uniforme. Ils sont anticonformistes, ils sont anti-pouvoir, tout ce qui représente l'autorité, donc les policiers et tout ça. Le Canard n'a jamais aimé ça. Je pense qu'on peut dire aussi tous ceux qui prétendent en savoir plus que les autres ou qui ont la science infuse. On n'a jamais trop aimé ça au Canard. Ils sont anticléricaux, ça c'est clair dès le départ. Donc ça explique aussi que l'électorat clérical ne va pas s'intéresser au Canard parce qu'on s'attaque entre autres à la religion. Ouais. Donc ce sont tout ce qui représente l'autorité qui est la cible première. Mais on en reparlera, il y a quand même, à l'inverse, des causes qui ont été défendues abondamment par ce journal. Ouais. On va revenir un petit peu au fil chronologique de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est créé donc en pleine Première Guerre mondiale, Le Canard enchaîné, mais que durant la Seconde Guerre mondiale, on va cesser de publier. C'est une période qui est importante aussi pour Le Canard. Vous allez nous dire pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Durant la Seconde Guerre mondiale, c'est assez triste parce que ce journal-là va arrêter. D'ailleurs, dans « L'armée des ombres » de Jean-Pierre Melville, un film de 1969, on peut entendre « Pour les Français, la guerre sera finie quand ils pourront relire Le Canard enchaîné ». Pourquoi? Parce que depuis le mois de juin 1940, le 5 juin, ils ne peuvent plus lire Le Canard. On peut le relire à partir du 6 septembre 1944, en raison de la censure, du manque de papier et de l'occupation allemande. Pas besoin de vous dire qu'un journal comme celui-là n'aurait pas pu survivre avec la botte nazie. Ouais. On sait par contre que dans la France libre, à Londres et puis en Afrique du Nord, il y aura des petits canards clandestins qui vont naître à ce moment-là. Ouais. L'autre drame, en plus de l'absence de publication, c'est le 15 février 1942, c'est la mort de Maurice Maréchal. Là, il y a une page qui se tourne, le fondateur du journal disparaît. Alors ça, c'est les deux éléments principaux de la période de la Seconde Guerre mondiale. Mais grâce à sa veuve, entre autres, ce modèle que vous décriviez et qui est vraiment l'épine, la colonne vertébrale du Canard, cette indépendance, ce modèle de redistribution des recettes aux journalistes, et ça, ça va rester. On n'en a pas parlé parce que l'autre élément important, c'est que lorsqu'il y a un membre de l'équipe du Canard qui, pour X raisons, s'en va, il ne peut pas partir avec ses actions, ses parts, donc elles sont redistribuées entre les membres de l'équipe. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir, disons, un homme d'affaires extérieures, une femme d'affaires qui puisse se procurer cette part-là pour ensuite à influencer le journal d'une façon ou d'une autre. On remonte le fil du temps. Vous parliez du fait que le canard, dans les cibles du canard, il y a l'autorité. Le personnage dans les années 50 qui va incarner, 60, qui va incarner cette autorité, c'est De Gaulle, évidemment, qui revient aux affaires dans les années 50. Et là, vraiment, le canard se délecte. Ça devient une cible de choix. Et cette relation-là, quelques mots là-dessus, Éric Dussault, mais l'histoire du canard avec Charles De Gaulle, c'est une histoire en soi. Ah ben, c'est une relation amour-haine. C'est très clair. Amour parce que ça permet d'alimenter les pages et les calembours et les attaques, mais en même temps, haine parce qu'il incarne tout ce qu'on déteste. Ouais. Donc, celui qui sait tout le temps, celui qui fait du révisionnisme sur l'histoire de la France récente, pour ne pas parler de l'occupation et de la France libre. Ensuite, c'est quelqu'un qui s'arroge des pouvoirs. Donc, la Ve République, c'est la République dans laquelle on concentre entre les mains du président une grande part des pouvoirs. Alors, tout ça, ça fait l'objet... de calembours incroyables et puis de critiques virulentes. Et en plus, avec mai 68, ben finalement, le canard est dans l'air du temps puisque ces critiques-là vont être adoptées aussi par la jeunesse étudiante et tous ces ouvriers qui descendent dans la rue. Et le canard ne se privera pas de se moquer de De Gaulle, particulièrement à cette période-là, de mai 68. On en a un peu parlé, on l'a évoqué au cours de l'émission, ce virage que va prendre le journal à partir des années 60, un virage vers du journalisme d'enquête, vers du journalisme d'investigation. Quels seront les bons coups? On ne peut pas tout refaire, là, l'histoire du journal, mais quels seront les bons coups, Éric Dussault, sur le plan des grandes enquêtes percutantes du journal, je ne sais pas, dans les années 70-80? Dans les années 70, c'est Chirac qui va être la tête de Turc. On parlait tout à l'heure de De Gaulle, mais Chirac va être une des têtes de Turc. Pourquoi? Parce qu'on parle d'acrobatie fiscale et on sait comment ce terme-là est approprié pour le premier maire de Paris et futur président de la République. Donc, on va publier Les Cascadeurs de l'impôt en 1972. C'est carrément un supplément qui parle de tous ces gens qui font des pirouettes avec les impôts et qui, évidemment, mettent de l'argent dans leur poche davantage que ce à quoi ils auraient droit. Ensuite, en 1981, et ça, comme historien, pour moi, c'est vraiment fondamental, le ministre du budget de l'époque, un certain Maurice Papon, fait la une du Canard enchaîné. C'est un énorme scoop puisqu'on apprend le 6 mai 81 qu'il a contribué à déporter 1690 Juifs de Bordeaux entre 1942 et 1944. Et il était préfet de police à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est à titre de préfet de police qu'il a fait ça. Donc, ça, c'est un des coups les plus percutants du Canard. Mais il y en a plein d'autres. On pourrait faire une émission d'une heure juste là-dessus. Un journal qui dérange autant, qui s'intéresse autant aux politiques et aux politiciens, sûrement a dû être subi à... a sûrement dû, au cours du temps, être soumis à certaines tentatives de censure. Parlez-moi de ça. En 1981, 1 229 574 copies vendues. Pouvez-vous imaginer ce que ça représente dans la France politique de l'époque? C'est craint. Résultat, là, je vous parlais de 1981, mais dès les années 1958, il y a déjà de la censure. Il y a aussi des saisies qui sont faites dans les locaux du Canard enchaîné. 1973, de l'écoute téléphonique et placement de micros dans les bureaux du Canard. 1987, Alain Juppé essaie de faire voter en douce un amendement dit Canard enchaîné qui servait à quoi? Ben, à interdire la publication, justement, de revenus qui auraient été imposables, mais qui ne l'ont pas été. Et on peut remonter comme ça jusqu'à tout récemment. En 2007, le 11 mai, il y a le Canard qui voit soudainement débarquer juge d'instruction et représentant de la Cour de justice pour mettre la main sur des documents compromettants et on veut connaître la source de ces documents-là. Alors, ça fait référence à des choses qu'on a connues ici de notre côté de l'Atlantique. Alors, en 2007, vous imaginez donc, pendant toute l'histoire, la censure et les judiciaires se sont intéressés au canard. Mais jamais réussi vraiment... jamais. Le canard... Il n'y a aucune de ces causes-là qui a débouché sur une condamnation concrète du journal. C'est un intouchable. Ouais. On ne peut pas, Éric Dussault, parler du Canard enchaîné, journal de satire ou le dessin satirique occupe une place importante sans penser, bien sûr, à Charlie Hebdo. On écoute le défunt Camus qui a travaillé pour les deux journaux faire une première comparaison. Ils ne disent pas censure, ils disent choix. Mais... c'est toujours le même et même dessin qui reste sur le carreau. C'est-à-dire la mort. Tout ce qui tourne, le premier tabou, c'est la mort. Ouais. D'abord, si quelqu'un meurt, on n'en parle pas. Bon, moi, je pense qu'une crapule, même morte, reste une crapule. Au canard, non, on est élégant, on passe sous silence sa mort. Et même tout ce qui est médical, ça fait peur, quoi. Toute la maladie, la mort au canard fait peur, en tout cas en dessin. Et puis, il y a le cul. Mais le cul, même si le cul vient dans l'actualité, ou si c'est pas gratuit. Voilà les deux gros tabous. Au moins, il n'y a pas le tabou de l'anticléricalisme. On peut passer des dessins contre les curés. Et ça, c'est rare dans la presse. Et contre les militaires aussi. C'est un journal antimilitariste, qui a toujours été antimilitariste. C'est une façon quand même souriante de traiter l'actualité. Il n'y a pas de méchanceté dans le canard. Alors personnellement, je préfère les trucs plus méchants. Moi, je regrette, si vous voulez, que le canard ne soit pas plus méchant. Le dessinateur Cabu, à l'émission Dans les plumes du canard, diffusée lors de la nuit magnétique de septembre 1990. Le dessin satirique, ça occupe déjà, on n'en a pas parlé, mais une place importante dans l'histoire du canard avec Dussault. Puis comment se compare? On ne peut pas passer à côté de cette comparaison-là. Le canard et Charlie Hebdo. Ben oui, d'ailleurs, il a perdu la vie dans les attentats de Charlie Hebdo en 2015. Cabu, il a travaillé pour Le canard enchaîné entre 1982 et 2015. Donc, c'est quand même une assez longue période. Ouais. Je pense que son commentaire est pertinent. Ça veut dire qu'il connaît très bien l'intérieur de ce journal. On parle d'une trentaine de dessins publiés à chaque édition et il y a une dizaine de caricaturistes journalistes. Parce que ça, c'est intéressant. Les rédacteurs en chef, les patrons de ce journal ont toujours considéré qu'une caricature, c'était un point de vue sur un sujet, au même titre qu'un journaliste rend compte de quelque chose qui se passe. Donc, ce sont des gens très, très importants dans ce journal-là. Et effectivement, souvent, les dessinateurs du Canard enchaîné, notamment Cabu, vont collaborer avec Harakiri, qui est un autre média important, et le Charlie Hebdo. Donc, il y a vraiment là une concomitance des visions. Une parenté, exactement. Avec des nuances que Cabu soulevait très bien, en fait. Peut-être un côté plus souriant, moins méchant au canard, mais une finalité qui n'est pas si loin. Une parenté dans l'état d'esprit, dans la manière de voir le monde. En un mot, il en est où aujourd'hui, ce canard? C'est un journal qui a 30 journalistes, dont 9 dessinateurs, une dizaine d'employés administratifs, donc une petite structure, des frais assez limités, si on peut se permettre de le dire. 400 000 exemplaires encore quand même vendus. 24 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même intéressant, avec des profits considérables qu'on met de côté et qui assurent toujours l'indépendance. Et puis, des petites enveloppes qu'on donne aux journalistes selon les revenus qu'on obtient. C'est très important, ça c'est un des scoops de Laurent Martin, l'historien du journal. Les journalistes se font donner une à deux fois par année des enveloppes, de l'argent pour leur travail. Façon de reconnaître tout le travail qui est fait depuis 100 ans. Éric Dussault, historien, ami de l'émission, merci beaucoup. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.